vaga, vaga, vaga, vaga. Leggendo una la mañana, mi veste scendo in strada. Erba nel marsupio Carat. Vuoi tirare l'attenzione della fafa? Giro, guarda come flex in giro. Giro, accendo le casse e faccio un tiro. Devi dei soldi, non ti fai più vivo. Anche quando va male tu facci col sorriso. Un chilo, a fine giornata vengo in studio e scrivo. Tu sei negativo, ti scrivo. Oh my god, sempre la stessa vibe. Siamo inside, vieni giù, non importa la size. Tu sais, je suis fucked up et trop sous. Je sais, je suis sous là et j'assume. Quand je la lève en dehors, elle assume. Je passe au niveau sup et je suis zoom. Je reste perplexe sur ton cas à toi. Tous ces gavas bizarres qui se penchent que sur mon cas à moi. On s'en fiche, je suis pas ton nez en moi. Continue, il y aura un nez en moi. Homme en moi, sombre moi, un petit peu dans les mois. Ils croient tous qu'on est moi. Et je crosse, ils tombent mal. Hey. 80 kills de morale. Hey. 80 kills de morale. J'suis faillé, j'me sens comme un New Jersey. Quel jour on est, Sunday ou Friday, j'accepte. J'suis faillé comme d'habitude. Et j'aime la cibine quand il pleut. Oh. Y'a plus de buzz, hey. Est-ce qu'il reste des claps pour moi? Envoie du terre que je roule un terre, oh. Et je sais que je sais le faire, donc c'est toujours sans stress que je lui la mets à cette guerre, hey. Oh, quoi pour toi l'hôtel, pan, hey. Oh, quoi pour toi l'hôtel, pan, ce que la donne, hey. Quoi pour toi l'hôtel, oh, pan, hey. Quoi pour toi l'hôtel, oh.